Bonjour à tous et bienvenue pour ce rendez-vous sur Radio Fadjet, l'instant présent, le rendez-vous mensuel consacré au développement personnel. Alors lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique aujourd'hui, bienveillance au travail, clé du bien-être professionnel. Une émission que je vais co-animer avec Dorothée Lacroix, sophrologue et instructrice en méditation de pleine conscience. Bonjour Dorothée. Bonjour Jérôme. Alors bienvenue pour ce nouveau numéro de l'instant présent. Alors aujourd'hui, nous explorons la bienveillance en milieu professionnel, une valeur essentielle pour améliorer donc la qualité de vie au travail et renforcer la cohésion d'équipe. Alors explorons ensemble cette bienveillance au travail et pour en parler bien évidemment, fidèle au poste de l'instant présent, Dorothée donc Lacroix, sophrologue. Alors Dorothée, je te propose d'écouter tout d'abord un extrait. Tu connais Liliane et Catherine ? Oui, je connais, j'adore. Qui passait donc sur Canal+, et qui parle justement de travail. De plus en plus d'entreprises proposent de faire la sieste au boulot. N'importe quoi, je trouve. Ben non, moi je trouve ça bien, des petites siestes de 15-20 minutes, ça te permet de te requinquer, puis voilà, d'y retourner, ben, je trouve ça bien qu'ils pensent à nous. Mais ils pensent pas à nous, ils pensent à leurs sous, qu'est-ce que tu crois ? Ils en ont rien à fiche qu'on dorme un peu pour se reposer. Ils pensent qu'on va dormir un peu pour travailler plus, comme ça ils auront plus d'argent. Ils en ont rien à fiche de comment on se sent. Ouais, mais c'est chouette de pouvoir se reposer. Globalement, c'est bien maintenant ce qu'ils proposent pour qu'on se sente bien. Des siestes, des massages, des cantines de qualité, des cadeaux. Et quoi d'autre ? Moi je suis absolument contre, je suis désolée. Mais pourquoi ? Mais parce que le travail, c'était un lieu de pénibilité. Travail, tripalium, instrument de torture. C'est ça qui était bien. Comme ça, t'étais content de rentrer chez toi. Jean-Luc, moi, je vois, il était content de rentrer dans sa demeure. Il voyait ma gueule, il n'était pas dégoûté. C'est pas toujours gagné, il était ravi. Il retrouvait ses petites charentaises, son confort, un petit bisou, de temps en temps, même un petit câlin, bon, quand on se sentait bien. Bon, voilà. Que maintenant, il a du casier étoilé tous les midis. Et à 15h, il se fait masser les épaules par une étudiante en ostéopathie. Moi, il me reste quoi ? Rien du tout. Je le vois, leur petit manège. Non, non, non. Mais lequel ? Eh ben, ils ont pas envie qu'on se sente bien au travail. Ils veulent qu'on se sente mal chez nous. Ah, du coup, qu'est-ce qu'on fait, nous, cons ? On part plutôt de la maison pour arriver au boulot, pour profiter de toutes les activités jusqu'à très tard le soir. Mais en attendant, on bosse. Regarde-nous. Là, bon, ça fait 2 heures qu'on boit un petit café. Hein, d'accord ? On va tout doucement aller vers la pause de midi. Bon, la pause de midi, ça va nous prendre 2 heures. Bon, mais en attendant, on est là, sur nos lieux de travail. Et entre ces activités, on bosse. On bosse. Alors, donc, tu partages un petit peu l'avis de Catherine et Liliane ? Bah oui, Catherine et Liliane, c'était fantastique hein, quand même avec leur réplique savoureuse, leur humour piquant. Bah oui et non, on va le voir tout de suite en fait. Voilà, donc ouais. Tout d'abord, on va tout d'abord essayer de définir qu'est-ce qu'on entend par bienveillance au travail. Ah, la notion de bienveillance, c'est assez difficile à définir. On en entend beaucoup parler. Depuis de nombreuses années, d'ailleurs pour ceux qui sont sur le réseau social LinkedIn, on voit une multitude de posts qui passent à ce sujet chaque jour. Et effectivement, dans le monde de l'entreprise, on promeut de plus en plus la bienveillance entre collègues, entre services, mais aussi et surtout en management. Alors, parfois accusé d'être un management complaisant ou une gentillesse écrasante, la bienveillance, c'est quand même une vertu. Une vertu et ce serait la nouvelle compétence à détenir dans le monde de l'entreprise. Alors, comment la définir ? Eh bien, la bienveillance, c'est tout d'abord une attitude, une sorte de savoir-être qui va favoriser les relations humaines respectueuses, positives, authentiques et constructives. L'idée étant de trouver un équilibre entre bienveillance et exigence. Alors tout à fait, surtout dans certains secteurs d'activité où justement les employeurs s'efforcent justement d'attirer les nouveaux salariés en offrant justement cette bienveillance au travail. Alors pourquoi est-elle si cruciale dans nos environnements professionnels ? C'est l'occasion en fait de présenter les avantages de la bienveillance, Dorothée. Oui, alors tout d'abord par rapport à ce que nous disaient Catherine et Liliane, effectivement c'est pas forcément avoir des avantages de bien-être dans une entreprise qui se développe aussi depuis de nombreuses années. C'est nécessaire, mais ça ne fait pas tout. La bienveillance, elle est quand même importante dans son environnement de travail parce que justement, ça va favoriser un écosystème sain, harmonieux et aussi agir implicitement sur la performance et le bien-être. Alors, pour moi, la bienveillance, c'est plus qu'un geste altruiste, même quand on est manager, hein. On peut être aussi altruiste, mais ça va favoriser une culture d'entreprise durable. Parce que, en fait, derrière cette notion de bienveillance, quand elle est bien faite et bien amenée, eh bien, et qu'elle est authentique surtout, il y a derrière cette notion de considération et de respect, qui, à mon sens, est quand même centrale dans le monde du travail si on veut des personnes impliquées. Donc, si j'ai bien compris, en fait, c'est une stratégie gagnante-gagnante puisque hein, ça améliore la performance de l'entreprise par des salariés plus impliqués, mais aussi ça améliore la santé mentale au travail. Oui. Mais pourquoi si peu de managers donc, le pratiquent ? Est-ce qu'il y a des obstacles à sa mise en place ? Alors, il peut y avoir des obstacles. C'est vrai que dans le monde du travail, aujourd'hui, on est quand même confronté aussi à une ancienne génération de managers qui a fait autrement, avec d'autres techniques. Certains les nomment les paternalistes, où effectivement, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne sont pas bienveillants. C'est juste qu'ils ont une autre façon d'aborder les choses, qui n'est pas forcément mauvaise. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on attend une nouvelle génération de managers qui aurait cette qualité. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de l'appliquer, parce que c'est un exercice difficile, ça demande un effort, et c'est un équilibre en fait, à atteindre finalement, parce que si la bienveillance elle est trop écrasante, eh ben, ça peut remettre en cause le leadership. Alors tu parlais effectivement de nouveaux managers hein, qui seraient donc plus sensibles à cette approche donc, de la bienveillance au travail, mais j'ai l'impression moi, que la nouvelle génération de salariés, qu'on appelle génération Y et Z, est à la recherche aujourd'hui de cette bienveillance. Et dans le contexte de difficultés de recrutement dans certains secteurs, les employeurs ne peuvent pas y échapper. Oui, tout à fait. Hein. La nouvelle génération Y et Z, on a pu voir à travers des études qu'elles souhaitaient beaucoup plus de souplesse, de convivialité, un sens dans les missions, de l'inspiration. Et bien, tous ces aspects sont à inscrire dans une démarche bienveillante et respectueuse. Et effectivement, le leadership bienveillant répond aux exigences des nouvelles générations, se doit d'y répondre et d'essayer de construire cette relation en fait, avec les intéressés. Alors, comment on fait ? Eh bien, il s'agit de favoriser le lien, l'écoute, l'empathie, d'être à l'écoute des émotions. Ça aussi, c'est très nouveau dans le monde de l'entreprise. Les émotions, c'est quoi ? Est-ce qu'elles ont leur place au travail ? C'est toute une question. Et comment faire qu'elles puissent avoir leur place sans entraver les objectifs de l'entreprise ? Et puis aussi, à cette notion pour les managers de devoir personnaliser la relation, les conditions de travail. Donc ça aussi, ce n'est pas forcément évident. Aujourd'hui avec les objectifs ou les contraintes qu'ont les entreprises. Et c'est aussi d'être attentif au bien-être, à l'équilibre personnel et en fait d'accepter l'individu dans sa singularité. C'est vrai que ces générations, hein, enfin la génération Y et Z, faites être choisies autant que choisir leur employeur. Oui, tout à fait. Et cette nouvelle génération a un rapport à l'autorité qui est tout à fait différent par rapport à la génération d'après-guerre. Ils acceptent plus difficilement l'autorité et justement sont à la recherche donc de cette bienveillance au travail. Et donc, petite précision, la bienveillance ne veut pas forcément dire un manque de fermeté. Mmh. C'est-à-dire que, en fait, bien souvent, on pense que la bienveillance est une gentillesse excessive, qu'on va plutôt être... comment dire, gentil un petit peu pour aussi obtenir des choses en contrepartie. Hein. On peut un peu, parfois, certaines personnes pensent que ça peut être une sorte de manipulation. Mais en fait, dans la bienveillance, ce qu'on oublie souvent, c'est que dans la bienveillance, on doit aussi dire ce que l'on pense. Si vous prenez par exemple l'amitié comme exemple, eh ben, lorsqu'on a un ami qui se met en danger ou qui ne fait pas ce qu'il faut pour son bien-être, eh bien, être un ami bienveillant serait de lui dire aussi avec sincérité qu'il ne va pas dans le bon sens, plutôt que d'être seulement gentil et doux avec lui alors qu'il va droit dans le mur. Tout à fait, tu as eu bien raison de préciser donc, cet aspect donc, de la bienveillance au travail. Alors on va approfondir après la première pause musicale justement les pratiques à mettre en place pour favoriser la bienveillance au travail. Mais tout d'abord, Dorothée, quel a été ton premier choix au niveau musical sur donc, ce thème de la bienveillance au travail ? Eh bien, on va écouter ma petite entreprise d'Alain Bachung. Ah, bien évidemment, on écoute tout de suite ton premier choix musical à la Bachung, donc ma petite entreprise. l'entreprise connaît pas la crise. Épanoui et l'exil des trésors satinés, doré à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement se dévoile de mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée et les vacances. Abstinence, ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores, le tir du néant. Qu'importe l'amour, importe, qu'importe l'amour s'exporte, qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos, là j'écoule à mes oreilles. Ma petite entreprise connaît pas la crise, s'expose au firmament, suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier, escalier, ces bâtiments B. À l'oreille de ce lèvre, à mes oreilles, ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exil des trésors satinés, dorés à souhait. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube. Voilà, vous avez bien évidemment reconnu Alain Bachung, ma petite entreprise. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Et oui, vous êtes bien sur Radio Fadjet et vous écoutez donc l'instant présent pour évoquer le développement personnel et plus précisément la bienveillance au travail en compagnie de Dorothée, donc Lacroix, sophrologue. Alors maintenant, Dorothée, évoquons maintenant les pratiques qui peuvent être donc adoptées pour favoriser donc un environnement bienveillant. Alors comment la direction peut-elle encourager et promouvoir la bienveillance au travail ? Eh bien, par de la formation et du coaching déjà, hein, si on a un employé qui n'est pas forcément à l'aise avec ça et qui veut se former sur la bienveillance, avoir un savoir-être et un savoir-faire. Et puis, il y a aussi des actions qui semblent évidentes, mais c'est par exemple valoriser la coopération plutôt que la compétition, l'exemplarité aussi des managers dans le leadership. C'est-à-dire que plus on aura un manager bienveillant, plus ça favorisera son développement dans l'équipe. On peut aussi créer un environnement de travail sécurisé. Donc là, ça veut dire vraiment valoriser la confiance et puis admettre que on peut aussi avoir droit à l'erreur. Voilà, avoir des feedbacks constructifs, absence de culture du blâme, on pourrait dire aussi. Et puis, encourager la reconnaissance et la gratitude. Donc ça, c'est important en fait de se sentir reconnu. et d'être remercié pour son travail. Et ça passe pas forcément par des actions financières. Hein. Ça, on a tendance un peu à l'oublier, mais avoir une vraie reconnaissance pour ce qu'on a accompli, c'est très très important et très bienveillant. Et puis aussi, il y a toutes ces notions, comme on avait parlé dans la précédente émission, de développer une intelligence émotionnelle et de favoriser une communication positive pour laisser émerger plus d'authenticité dans l'équipe. Alors justement, donc cette bienveillance, elle passe aussi, je pense, par la participation des salariés à la prise de décision. Oui, tout à fait. La prise de décision va valoriser la bienveillance que l'on a envers son équipe, parce que ça veut dire que la vie compte aussi et qu'on leur laisse la main en toute confiance pour pouvoir décider de certaines choses. Alors on parle dans ce cas-là de management consultatif ou de management participatif, et certains dirigeants ont opté justement pour les principes de cette entreprise libérée, comme l'entreprise Favi ou Chronoflex, mais aussi sur Nancy, on a la société donc de François Piau, Prêt à partir, qui applique ce principe qui veut qu'on accorde davantage de confiance aux salariés plutôt que de contrôler, en supprimant justement certains niveaux hiérarchiques. Alors, la bienveillance au travail, ce n'est pas seulement l'affaire de la direction, c'est aussi lié au comportement au quotidien de chacun d'entre nous, Dorothée. Oui, c'est aussi la responsabilité de chaque collaborateur qui compose l'équipe ou le service pour que le modèle fonctionne. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'opposition aussi à ça. Et la bienveillance, c'est un état d'esprit finalement qui peut être l'état d'esprit d'une équipe. Voilà. Alors, par exemple, comment réagir face à un collègue, par exemple, en difficulté ou stressé ? Alors, là, justement, tout le monde peut agir hein, si on voit un collègue qui est un petit peu en détresse. La première chose, c'est de se poser la question si on est la bonne personne pour aller lui parler. Parce que parfois, en fonction de ce qu'on a vécu avec ou autre, on n'est peut-être pas la personne la mieux placée. Ensuite, c'est d'essayer d'aller vers lui, d'essayer de parler avec lui s'il le souhaite. L'écouter, rester présent, et il faut le laisser aussi trouver ses propres solutions, d'accord ? Puisque ne pas imposer de l'aide, parce que chacun peut trouver ses propres ressources, ses propres solutions. Mais à travers ces petits gestes que l'on peut faire en allant vers la personne, on va pouvoir effectivement du moins montrer que l'on est là, que l'on est présent, et c'est une certaine forme de bienveillance. Et la personne pourra se sentir un peu plus en confiance, peut-être pour évoquer son problème. Voilà, parce que souvent on entend aussi dans les entreprises, de la part d'un manager ou un collègue, tu sais que ma porte reste ouverte. Mais c'est vrai qu'une personne qui traverse une personne difficile ne va pas forcément faire le pas d'aller voir son manager ou un collègue. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'aller vers. Tout à fait. Mais on constate néanmoins au niveau des entreprises qu'il peut exister des résistances justement à la mise en place de cette bienveillance. Oui, c'est pas forcément les entreprises qui résistent volontairement à cette bienveillance parce qu'on l'a vu, elles ont tout à y gagner en termes de bénéfices pour leur activité. C'est parfois l'organisation de l'entreprise qui n'est pas compatible avec la notion de bienveillance. Par exemple, si vous prenez le cas d'une entreprise commerciale, elle va forcément mettre en place des objectifs chiffrés à atteindre chaque année. Et donc, elle va devoir suivre ses objectifs pour les atteindre avec de nombreux indicateurs. Et du coup, forcément, il y a une pression quand même du résultat, de la rentabilité, qui est une réalité dans le monde économique. Et aussi, cette vision comptable et financière qui, parfois, va prendre le dessus sur la pratique de la bienveillance ou du moins sur son développement. Alors, ça peut parfois réduire l'humain à un tableau d'objectifs et de performance. Et effectivement, il faut un petit peu ouvrir sa conscience à ne pas se baser que sur ses chiffres ou sur du financier, parce que ça peut être pris aussi comme un manque d'écoute, de respect pour tout le travail qui est finalement réalisé pour atteindre ces objectifs qui ne sont peut-être pas au rendez-vous, mais en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail derrière. Alors justement, tu as signalé tout à l'heure, donc, face à cette difficulté donc, à mettre en place cette bienveillance, donc, de mettre en place des formations qui seraient utiles justement pour développer donc, cette pratique de la bienveillance. Oui, alors c'est toutes les formations qui peuvent exister. Hein. Il y en a beaucoup maintenant qui se développent à travers des coachs professionnels, à travers aussi des sophrologues ou des formateurs en entreprise qui ont été formés à ça, ou bien des conférences aussi avec des anciens dirigeants d'entreprise qui ont été reconvertis. Mais c'est vrai que la bienveillance, avoir cette notion que ça peut s'apprendre, mais c'est avant tout un savoir-être en fait, qui va reposer sur plusieurs qualités

On va maintenant terminer donc avec quelques ouvrages pour prolonger cet entretien donc sur la bienveillance au travail, Dorothée. Alors, deux ouvrages. Le management au travail, l'autorité est une compétence, pas un droit. Donc, d'Hervé Hollner. Alors, c'est vrai que bien souvent, il faut reconnaître qu'on accède à des postes de manager parce que c'est des promotions. Mmh. Et ce n'est pas forcément qu'on détient la compétence. Donc, c'est vrai que ça, c'est très français. Donc, voilà, c'est vrai que le management, c'est avant tout une compétence. Et le deuxième ouvrage, c'est Bienveillance et performance, le défi de l'entreprise humaine. Et ça, c'est Laurence Vanier. Tout à fait, qui rejoint l'idée qu'aujourd'hui, l'entreprise ne doit pas atteindre une seule performance économique hein, fondée sur les résultats, les bénéfices, mais une performance sociale, mm-hmm. c'est-à-dire qui intègre justement l'individu en tant que salarié. Le salarié, si tu regardes bien maintenant dans les équipes de direction, on parle de richesse, hein, donc c'est notamment oui. cette direction des ressources fait. Humaines, mm-hmm. c'est plus la direction du travail, hein, mm-hmm. donc le salarié est une richesse qu'il faut prendre en compte. Exactement. Voilà. Eh bien, ainsi se termine donc ce numéro donc de l'instant présent. Donc, la bienveillance au travail n'est pas qu'une simple tendance passagère, mais une nécessité pour les organisations souhaitant se développer dans un environnement économique et social en constante évolution. En cultivant cette valeur, les entreprises peuvent non seulement améliorer le bien-être de leurs employés, mais aussi renforcer leur engagement et leur efficacité. Eh bien donc, si vous avez pris donc l'émission en cours, n'hésitez pas donc à nous retrouver donc tout au long donc de ce mois sur le site de Radio Fagette, puisque nous sommes en replay et puis vous pouvez retrouver bien sûr tous les anciens numéros de l'instant donc présent. Eh bien Dorothée, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle thématique. Bien sûr, toujours fidèle au poste. Très bien, d'ici là, donc n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fagette.